Richtung gerichtet ist, und zwar Christus allein. Hör auf, dich immer hin und her zu bewegen, dass du mal Christus bist und dann mal am Zweifeln bist. Und dass es immer dieses Ping-Pong-Spiel ist. Das ist wirklich gefährlich, weil hier steht, dass du Finsternis sozusagen in dir einlädst. Das signifie que ici dit, verset 23, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Ça signifie que toi, tu vois vers Jésus-Christ dans la lumière. Mais avec les yeux gauches, tu regardes vers le diable ou bien le soi, non? Et là, tu es en train d'inviter les ténèbres dans ta vie directement. Et du coup, tu es dans deux positions. Et là, tu ne peux rien obtenir de l'éternel. Parce que tu dois vraiment voir avec tous les deux yeux. Tu dois regarder vers Jésus-Christ. Ça ne doit pas se diviser. Amen. Amen. You know, here Jesus is helping us to know how we are to know we are in darkness. So that we come out of it. Amen. Amen. How to know, how you should know you are in darkness. Mm-hmm. If today you are happy, tomorrow, no, or this morning you are happy, then later in the day. Mm-hmm. Amen. Something is just changing your joy. Mm-hmm. It's like you are in darkness. Mm-hmm. And how dark is that darkness? Mm-hmm. Und diese Stelle hilft uns auch zu verstehen, wann wir uns sozusagen auf dem Weg in die Finsternis begeben, weil hier steht, dass wenn dein Auge sozusagen doppeldeutig ist, wenn du mit deinem einen Auge bei Christus bist und mit dem anderen Auge in die andere Richtung schaust, zu deinem Selbst schaust, das sollte für dich ein Indiz sein, dass du dich in Richtung Finsternis begibst. Ici dit, verset 23, quand il continue, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres? Ça signifie que si tu regardes avec un œil l'éternel et avec l'autre œil, tu regardes toi-même et tu invites cette ténèbre, ça signifie que combien sera grand cette ténèbre aussi en toi, tu vois, donc oui, je sais pas, j'ai un peu. Amen. You know how to know you are in darkness when doctor says it's not possible. Amen. You cannot go. And the Lord is not the Lord but the doctor, and you consider what the doctor is saying. You are in darkness. Daran erkennst du beispielsweise, ob du dich in Richtung Finsternis befindest. You don't consider man, you consider Christ alone. Amen. Wenn beispielsweise ein Arzt eine Diagnose erstellt und sagt, dass du beispielsweise krank bist und diese Krankheit für immer bestehen bleibt bei dir. Und das ist das, was der Arzt gesagt hat und nicht, was Christus gesagt hat. Aber was machst du? Du nimmst dieses Wort, was der Arzt gemacht hat, und stellst es über dem Wort, was Christus gesagt hat, und stellst das Wort von Christus in Frage und zweifelst nach dem, was er gesagt hat, nämlich, dass er deine Krankheiten schon auf sich genommen hat, dass dein Körper schon gesegnet ist und dass du gesund bist in ihm, dann weißt du, dass du beispielsweise gespaltenes Auge hast, dass du auf der anderen Seite anfängst zu zweifeln und dann selbst zu sehen, anstatt Christus zu erachten. Je veux vous donner un exemple, par exemple. Par exemple, si l'Éternel te dit que toi, je t'ai déjà guéri, et le docteur te dit, mais cette maladie-là, on peut plus t'aider, tu es vraiment à la fin. Ça signifie que tu as, avec un œil, tu crois à l'Éternel qui t'a dit qu'il t'a déjà guéri. Mais avec l'autre œil, tu es en train de considérer ce que l'Éternel, ce que le diable ou bien ce que le docteur est en train de dire. Et ça le limite, tu vois. Et tu as déjà... Quand tu le considères, c'est que le docteur dit, tu as déjà invité les ténèbres à prendre place dans ton cœur. Et ça, dès que tu le fais, ça va ça va grandir dans ta vie, ça va grandir dans ton cœur. Et comme ça, tu auras aussi du mal à regarder à détourner encore ton regard vers l'éternel. Et c'est là que tu vas voir que tes yeux sont vraiment divisés, tu vois, que tu commences à considérer ce que le docteur dit plus que ce que l'éternel dit. Tu es en train de mettre la parole du docteur plus que la parole de l'éternel. Sobald du dich daran befindest, also sobald das dann passiert, dann wisse, dass du dich dann in der Finsternis befindest. Et dès que tu as, dès que tu poses cet acte, tu dois savoir que tu es déjà dans les ténèbres. Amen. You know, if doctor tell you that there's something in your body, this doctor that said it, not Jesus. And Jesus said, your body is my temple. Amen. No man can serve two masters. Verse 24 of Matthew 6. You cannot believe the two. You are going to choose to believe one. I don't know if somebody's getting it. Wenn beispielsweise double-minded. Don't be a double-minded man. Wenn beispielsweise ein Arzt dir sagt, dass du unheilbar krank bist oder dass diese Krankheit bei dir bestehen bleibt und der Herr dir aber gleichzeitig auch sagt, dass dein Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist und dass dein Körper mir gehört und dass ich auf diesen Körper Acht gebe, wen willst du mehr glauben? Denn in Vers 24 steht, man kann nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht beiden Worten Glauben schenken. Du wirst eine Sache über die andere Sache stellen. Und ist es das Wort von Christus oder wird es das Wort vom Arzt sein, das du über dem Wort von Christus stellen wirst? Donc ça signifie que si le docteur te dit, si le docteur te dit que on n'a plus de solution pour toi, mais l'Éternel t'a dit que ton corps c'est mon temple. Qu'est-ce que toi tu vas croire? Dès que tu crois à au diable, tu vas croire que dès que tu crois ce que le docteur dit, tu le considères, ça signifie que tu es en train de placer la parole du diable ou bien du docteur, qui est la même chose en fait, au-dessus de la parole de l'Éternel. Et toi, tu dois être conscient de ça. Donc, c'est toi-même qui vas décider. Tu dois choisir à qui croire. Amen. You know, the doctor is saying they are what they see. But Jesus is saying what he himself is saying. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. You cannot be both sides. Mm-hmm. You have to choose one. Mm-hmm. He said, no man can serve two masters, verse 24. Mm-hmm. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Mm-hmm. You cannot believe both. It must be one. That's why don't try to believe God, you believe him. Mm-hmm. Und in Vers 24 haben wir gelesen, dass man kann nicht zwei Herren dienen. Und genauso ist es, wenn du beispielsweise das Wort von Menschen hier hörst und es gegenüberstellst mit dem Wort von Christus. Weil das, was ein Arzt beispielsweise sagt oder das, was die Menschen hier auf der Erde sagen, basiert auf das, was sie sehen, basiert auf die Diagnose, die sie gestellt haben, basiert auf die fünf Sinne. Aber das, was Christus dir sagt, ist übernatürlich. Das ist das, was über diese fünf Sinne hinausgeht. Und deswegen musst du dich entscheiden, dass du entweder die eine Sache hast und die andere liebst oder die andere Sache anhängst und die andere Sache verachtest. Denn du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Du kannst nicht Gott und dem Wort der Menschen glauben. Nul ne peut servir, verset 24, on dit, c'est que nul ne peut servir deux maîtres, car ou lira un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir deux mamans. Donc ça signifie que le docteur, par exemple, quand il te dit que tu ne vas pas bien, le docteur, quand il te dit, par exemple, que tu es malade, hein, dans ce moment-là, il est en train de voir tes cinq sens. Il voit ta chair, il voit ce qui se passe. Mais Dieu, quand il te dit que tu vas bien, il voit plus que tes cinq sens. Il voit ton esprit. Il voit au-dessus de tes cinq sens. Donc, ça signifie que ça vaut la peine de croire à Dieu de plus parce que lui, il voit même plus que les cinq sens. Et le docteur, il voit qu'il est limité, en fait. Amen. Amen. A single eye means the narrow gate. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. It means only Christ. The doctor is not there. Ein Auge, das nur einseitig gerichtet ist, ein Auge, das nur in eine Richtung schaut, bedeutet, dass dieses Auge auch nur Christus sieht und dieses Wort des Arztes oder diese Worte der Menschen überhaupt gar nicht erachtet, sondern nur Christus fokussiert ist. Donc les yeux qui voient un seul œil, qui voit que Jésus-Christ, ce sont des yeux qui est déjà qui s'est décidé à partir le chemin étroit. Donc il voit que Jésus-Christ et il est en train de se battre à continuer dans la vérité et laisser gauche et droite ce qui n'est pas de l'Éternel, n'importe si la personne le comprend ou ne le comprend pas. Et oui. Amen. Amen. C'est quoi la question? Praise the Lord. Hallelujah. Take your time to not believe you are sick. You're going to take your time to not believe you are here. Tu vois, on va poser la question encore après. Mais il faut savoir que ça a pris du temps jusqu'à quand tu puisses croire que tu es malade, mais ça aussi prend du temps pour toi de croire que tu es vraiment que t'es guéri, que Jésus-Christ t'a guéri. What matters is keep on believing that you're already healed. Amen. Mm. Was zählt, ist die Tatsache, dass du weiterhin glaubst, dass du geheilt bist, wenn du beispielsweise einen sehr langen Krankheitsverlauf hast oder wenn du eine Person bist, die bereits von Ärzten früher eine Krankheit diagnostiziert bekommen hast. Et ce qui est important, c'est de toujours croire en Jésus-Christ, donc de croire qu'il t'a déjà guéri, que toi qui t'a donné une santé divine. Praise the Lord. Hallelujah. Stop saying I'm already healed, but this is what the doctor said. Mm. That begs, this is what the doctor said. What the doctor says is bigger than what you already healed. Mm. Und sag dir selbst nicht, ja, ich bin bereits geheilt, aber der Arzt hat mir das und das diagnostiziert, weil dieses Aber, was du dazwischen stellst, diskreditiert sozusagen all das, was du davor gesagt hast und die Tatsache, dass du glaubst, dass du geheilt bist, weil du stellst das Wort des Arztes höher als das Wort von Christus. Donc en fait, arrête de dire que Dieu, l'Éternel m'a déjà guéri, mais le docteur a dit ceci, cela, parce que tout ce qui vient après le mais est en train de rendre ce que tu as dit avant comme si ce n'est pas effectif. Donc ça signifie que tu crois ce qui est après le mais, tu crois ça plus que celui, ce que tu as dit avant. Donc automatiquement tu vas croire ce que le docteur te dit plus que ce que l'Éternel te dit. Amen. So let my be a liar. Let, you know, Christ should be the truth and not man being the truth. Amen. Christus allein sollte die Wahrheit sein und nicht das, was der Mensch sagt, sollten wir als Wahrheit sehen. Donc tu dois te décider que n'importe s'il y a toujours, si l'Éternel dit quelque chose et l'être humain dit quelque chose, l'être humain doit toujours être le menteur. Tu dois toujours à la fin dire avoir la conclusion que l'Éternel il dit la vérité, parce que quand tu dis que oui mais le docteur a dit c'est comme ça, c'est comme si tu étais en train de dire que c'est Dieu qui est le menteur et que c'est le docteur qui a raison. You see, when you are going to even mention the doctor at all, you are going to say, I am already healed. The doctor said this, but I know that the Lord is my healer. Amen. And I'm already healed. Amen. The birth, you know, whatever you say after birth is more important than what you said before birth. Mm-hmm. Und selbst wenn du den Arzt erwähnen wirst oder erwähnen musst bei deinem Satz, dann formuliere es so, dass du sagst, der Arzt hat mir diese und jene Diagnose gestellt, aber ich weiß, dass mein Herr größer ist als diese Diagnose und dass ich bereits geheilt bin. Denn das, was du nach diesem Aber sagst, ist immer größer als das, was vor dem Aber war. Das heißt, du setzt den Herrn über diese Diagnose oder über den Worten, die der Arzt gesagt hat. Donc ça signifie que si tu veux dire ce que le docteur dit, tu dois ta phrase, tu dois le changer. Tu dois dire, tu peux dire que oui, le docteur a dit que je ne peux pas être guéri, mais l'Éternel m'a déjà guéri. Parce que tout ce qui vient après le main, c'est toujours plus important, c'est toujours ce que tu considères de plus. Donc si tu changes ces deux, donc tu c'est pas que tu ne dis pas ce que le docteur a dit. Oui, tu peux le dire, mais Jésus-Christ. Mais l'Éternel a dit ceci, cela. Parce que cela, ça va te pousser aussi à croire que ce que l'Éternel dit, c'est plus grand que ce que le docteur dit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. For us, it is all about Christ Jesus. Für uns geht es nur um Christus Jesus. Pour nous, il s'agit que de Jésus-Christ chaque fois. A man or a woman without a vision for their life is a very loose man. Have a very loose life. Ein Mann oder eine Frau, die ohne Vision lebt oder ohne Wünsche lebt, lebt ein sehr leichtfertiges Leben. Un homme et une femme qui sont en train de vivre leur vie sans une vision, sont en train de vivre une vie presque inutile en fait, parce que. Amen. It means if Christ is not your vision, you have a very loose life. Und das bedeutet auch, dass wenn Christus nicht deine Vision ist, dass du ein sehr leichtfertiges Leben lebst. Donc ça signifie que si Jésus-Christ n'est pas ta vision, ta vie est inutile en fait. Tu vis une vie qui n'a pas de sens. Today you are this. Tomorrow is something else. Can you see? Lose life. A life that, you know, when they ask what are you going to become, you say, When they ask you, you know, some people, when they ask you, well, which job are you looking for? Say, any job. That's a loose life. Mm-hmm. Amen. Okay. Also denn diese Person, die ein leichtfertiges Leben führt, ist heute hier und morgen ist die woanders. Die kann heute das machen und morgen macht sie jenes. Und wenn man diese Person beispielsweise fragt, wo siehst du dich in 5 Jahren, dann wird die Person sagen, ja, keine Ahnung, vielleicht mache ich irgendwie, vielleicht bin ich Bäcker bei in irgendeiner Bäckerei oder vielleicht bin ich irgendwo, keine Ahnung, in irgendeiner Tankstelle oder so. Also diese Person, ob es in der natürlichen Welt oder in der Welt von Christus ist, ist einfach eine Person, ohne, die einfach ein leichtfertiges Leben wird und sozusagen von hier nach da lebt. Donc imagine, même dans cette vie ici naturelle, quand tu demandes à quelqu'un qui a fini les études maintenant, qu'est-ce que tu veux devenir, la personne te dit, bon, je ne sais pas, je vais d'abord chômer, et puis je ne sais pas, attendre, peut-être je vais devenir, je vais travailler dans un kiosque, ou bien je ne sais pas ce que je veux faire. Tu vas voir que cette personne n'a pas de vision, donc tu vas penser que ce garçon ici, ou bien cette fille, elle est un peu inutile parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut. Donc et c'est comme ça aussi que dans le royaume des cieux, c'est aussi comme ça. Donc si tu n'as pas, si c'est pas le Christ qui est ta vision, c'est que tu es vraiment à considérer comme une personne qui, donc tu as tes projets, mais demain, vu que c'est pas l'Éternel qui est ta sécurité, ça signifie que si, vu que c'est l'Éternel n'est pas ta sécurité, ça signifie que tu es en train de planifier à devenir un docteur, acheter des maisons, mais demain tu peux mourir, tu vas laisser ça à qui par exemple. Donc c'est pour cela, ça vaut la peine que l'Éternel puisse être ton ta vision. Amen. Our vision is a narrow gate. Unsere Vision, die Christus ist, ist ein spanner Weg. La vision qui n'est pas Jésus, qui est Christ, la vision qui est le Christ, c'est une vision qui a un chemin étroit. It also means a man or a woman that refuse to allow Christ to be their vision, their life, to refuse that Christ is their life. Mm. Vision means life. Mm. It signifies life. Mm. Amen. It's a toy, a puppet for Satan. Mm. It can take you anywhere. Mm. Und Vision bedeutet gleichzeitig auch Leben. Und eine Person, die ein leichtfertiges Leben führt, es bedeutet, dass diese Person auch gleichzeitig nicht zulässt, dass Christus das Leben dieser Person ist. Und diese Person macht sich zu einem leichten Ziel, zu einer Marionette für den Teufel, damit er Raum hat, das Leben dieser Person zu zerstören oder in die Hand zu nehmen. Donc ça signifie que quand tu as des visions et cette vision n'est pas ce n'est pas l'Éternel, donc tu es comme le diable peut te manipuler parce que lui aussi il connaît ta vision et il va tout faire pour te manipuler, pour essayer que tu veux devenir un docteur, il te donne un job, tu donnes quelqu'un hein, comme ci comme ça et puis tu vas te perdre, tu seras stressé, tu auras des dépressions comme les gens ici. Et ça, là, tu deviens une poupée pour le diable. Mais si ta vision, c'est Jésus-Christ, n'importe qu'est-ce que tu vas faire, le diable n'est pas capable à toucher ça parce que c'est Jésus, il n'est pas capable à toucher à l'Éternel, mais il est capable à toucher toute autre chose qui n'est pas Jésus-Christ. Amen. And also a man or a woman who refuse Christ to be their vision will always be a vessel for Satan. Mm. Und eine Person, die nicht zulässt, dass Christus seine Vision, sein Leben ist, wird immer eine Marionette für den Teufel sein. Tout comme une personne qui refuse à laisser l'Éternel à être sa vision, cette personne sera toujours une marionnette pour le diable. But a man with a vision that allow Christ to be his vision have a very narrow life. Aber eine Person mit einer Vision, und zwar die Vision, die Christus ist, eine Person, die zulässt, dass Christus seine Vision, sein Leben ist, lebt ein Leben, das in einem ein schmales Leben. Et la personne qui autorise l'Éternel à être sa vision est en train de vivre une vie vraiment très étroite. Remember, Jesus talked about a narrow gate. It's also a narrow life. Which is Christ. Very narrow. Just him alone is narrow. erinnert euch daran, dass Christus von einem schmalen Weg gesprochen hat, aber es gibt auch ein schmales Leben, das man führt. Und zwar ist dieses schmale Leben Christus. Wenn man nur Christus sieht und nur Christus erachtet, dann ist dieses Leben sehr schmal. Rappelez-vous que l'Éternel a parlé d'un chemin étroit, mais il y a aussi une vie étroite, qui est aussi du Christ. Praise the Lord. Hallelujah. We are already in Matthew 7, verse 13 and 14. Mm-hmm. Talks about the narrow gate. Mm-hmm. We are already also in Matthew 6, verse 19 to 24, which talk about the single eye and a double eye. Mm-hmm. And in verse 6 of 24, he said, there is nothing like a double eye in heaven. Mm-hmm. In verse 6, if you go there again. Mm-hmm. Amen. Verse 24 of chapter 6. Mm-hmm. Said, you cannot serve God and mammon. Mm-hmm. There's nothing like a double eye in heaven. In Matthäus 7 haben wir über den schmalen Weg, die schmale Pforte gelesen. In Matthäus 6 haben wir über das Auge gelesen, was sozusagen in zwei Richtungen guckt. Ein Auge, das nicht auf einen Weg fokussiert ist. Und in Vers 24 von Matthäus 6 lesen wir auch, dass ein zweideutiges Auge, also ein Auge, das in zwei Richtungen guckt, das Reich Gottes nicht erben kann und in dieses Reich Gottes nicht hineinkommen kann. Et on venait de lire que le chemin de l'Éternel c'est étroit. On a aussi lu que on ne doit pas avoir des yeux qui sont qui ont deux chemins, qui regardent à gauche et à droite. Et dans le verset 24 de Matthieu 6, il nous dit que dans le royaume des cieux, tu ne peux pas vivre dans le royaume des cieux si tu as deux yeux qui regardent l'un de gauche, l'un à droite. Donc, tu dois voir tous les deux yeux doivent être concentrés à l'Éternel. Amen. Amen. In the natural world, disciplined people live very narrowly. You know them. Mm-hmm. Amen. They live very narrow. You can see them. They are so simple. Narrow. Amen. Consider what Mark called discipline. In der natürlichen Welt sieht man beispielsweise, dass Menschen, die sehr diszipliniert sind, die sehr sehr disziplinierte Menschen, dass sie ein sehr schmales Leben leben, dass sie sozusagen jeden Schritt ihres Lebens vorausgeplant haben, dass sie wirklich darauf achten, welchen Weg sie einschlagen, dass sie ein sehr, sehr schmales, weltliches Leben leben. Tu vois aussi dans le monde naturel, les gens qui sont disciplinés, par exemple, ils ont une vie très, très sérieuse, là, trois et trois, parce que ils savent où est-ce que, ils connaissent leur vision, et ils savent que, ok, pour avoir cette vision, je ne dois pas partir fêter comme je veux, je ne bois pas de l'alcool, je ne fais pas ceci, cela. Eux-mêmes sont entrés vraiment comme ça, précises, parce qu'ils savent qu'ils ont un plan. Amen. You know, they obey their parents. You can see them. They don't take alcohol, they don't smoke. You can just see them. They are focused in their education. You hardly see them doing something wrong. The world called them discipline. Disciplined people, but not of Christ. Und diese Menschen sind sehr diszipliniert und sie sind auch sehr zielgerichtet. Sie achten drauf, was sie machen, wie sie mit anderen Menschen umgehen. Sie trinken keinen Alkohol, sie begeben sich nicht in irgendwelchen Gebieten, wo es irgendwie komisch ist, wo sie irgendwie in Verruf geraten können. Sie gehen nicht feiern, sie gehen nicht in irgendwelchen Drogengebieten. Sie sind sehr darauf bedacht, was sie tun und wo sie hingehen und leben ein sehr diszipliniertes Leben. Dieser Welt, aber es ist eine Disziplin ohne Christus. Par exemple, ces gens-là, tu peux voir qu'ils n'ont pas beaucoup d'amis, ils ne sont pas seulement à la gare à boire de l'alcool ou bien des drogues. Non, ces gens-là, à 20h, ils dorment déjà, à 5h, ils font leur sport. Donc, leur chemin, vraiment, c'est vraiment très concentré. Ils ont seulement peut-être avec leur mère ou bien leur père, mais ils n'ont pas des amis, ils sont toujours à eux-mêmes. C'est aussi pas facile à voir ces gens-là comme ça dans la vie quotidienne. Mais ces gens-là sont en train de vivre une vie étroite mais naturelle, sans Jésus-Christ, mais qui est toujours mauvais. Parce que c'est sans Jésus-Christ en fait. Amen. You know what this world called discipline? It is like also what this world called dignity, integrity. Amen. Integrity. They say these people they have integrity. You know, their yes is always yes, their no is no. And you know, they're, you see them, according to the world, they are polished. Mm. But they are, the Lord called them evil. Mm. But in the world, it's wonderful. Und wenn man solchen Menschen begegnet oder wenn man solche Menschen sieht, dann bezeichnet man sie als sehr diszipliniert und man sagt, es sind sehr würdevolle Menschen, die sind sehr integer, dass sie wirklich sehr viel Integrität beinhalten, sehr viel Loyalität beinhalten, aber das ist die Definition dieser Welt und in der Welt würde man diesen Menschen Zuspruch geben, man würde für diese Menschen applaudieren, aber in Christus ist das, was die machen, bösartig und teuflisch. Et tu vas voir que ces gens-là qui sont en train de vivre une vie comme ça, dans ce monde, ils sont les gens qui sont, on va dire, ils sont disciplinés, ils sont dignes, ils sont vraiment intègres. Ces gens-là sont vraiment super. Tout le monde va dire bravo, tu vois. Mais Jésus-Christ dit que ce sont des gens vraiment qui sont mauvais. Amen. If you see them, they don't lie, they hate lies. They don't fornicate. You don't see them. They are always with just. They are married. They are with their woman, their husband, their wife. It's always this. You understand me? You hardly see them doing something. Done something that the world will not say it is good. Amen. Und diese Menschen haben ein sehr von außen betrachtet ein sehr schönes oder repräsentieren ein sehr schönes Bild, dass sie wirklich sehr diszipliniert sind. Wenn das zum Beispiel Menschen sind, die verheiratet sind, dann sind sie wirklich gebunden an einem Partner, haben vielleicht eine Familie, ein schönes Einfamilienhaus. Es sind wirklich Menschen, die all das tun, wo die ihre Kinder beispielsweise auch respektvoll erziehen, die wirklich wie eine Bilderbuchfamilie ihre Familie führen. Also es sind Menschen, wo die Welt sagen würde, es sind Menschen, die machen nichts Falsches, die vergehen keine Verbrechen, die betrügen ihre Frauen nicht, die sind von außen her ein perfektes Leben, ein perfektes vorbildliches Leben. Sehr definiert. Et ces gens-là, par exemple, tu vas voir que eux, ils sont en train de vivre une vie vraiment très oui, très sévère, hein. Ils sont en train d'entraîner des enfants, donc les enfants sont aussi bien, toujours de respect propre, tout va bien, mais c'est une vie qui n'est pas du Christ, de la même oui, je me répète en fait. Amen. But remember the book of James that said if you disobey one, you disobey all. You violate all. Amen. And that disobedience might not be lying silly, but say no to Christ Jesus. I don't know. How you get in it? Aber erinnert euch an das Wort in Jakobus, wo steht, dass wenn du dich an einem vergangen hast, dann hast du dich an allem vergangen. Und dieses Vergehen muss nicht bedeuten, dass du gestohlen hast oder dass du gelogen hast oder dass du deine Ehe gebrochen hast. Allein, dass du Jesus Christus verweigert hast, ist bereits ein Vergehen, egal wie du vom Außen betrachtet ein schönes Leben oder ein vorbildliches Leben geführt hast. Ein Leben ohne Christus ist bereits ein Leben, wo du eins gebrochen hast. Par exemple, ces gens-là, ils sont des gens qui ne mentent pas, ils ne sont pas en train de faire de fornication ou bien de faire des histoires de mal. Mais la Bible nous dit que quand tu vis dans la loi, si tu as violé une chose, tu as tout violé. Mais eux, si ils ne croient pas en Jésus-Christ, ça signifie que malgré ils sont en train de faire les bonnes choses comme ils veulent et que le monde va applaudir pour eux, ils sont toujours des personnes mauvaises parce qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ. Amen. You know that if you violate one, that one might not be what Mark has seen. I don't know if you understand me. It might not even be what Mark has seen. But John 16, he said the Holy Ghost will help us to know what sin is. What sin is that you do not believe on Christ. That one means to violate all. Und wir lesen in Jakobus, dass du, wenn du eins übertreten hast, dass du alle übertreten hast. Und diese Übertretung bedeutet nicht, dass es die Sünde ist, so wie die Welt die Sünde definiert. Denn in Johannes 16 lesen wir, dass es nur eine Sünde gibt, dass Sünde Singular ist. Und zwar Sünde, dass man Jesus Christus nicht kennt, dass man Jesus Christus verweigert. Und diese eine Sünde, diese eine Sache, die man übertreten hat, ist bereits un Verstoß ist bereits so das Schlimmste, was du tun kannst. En fait, on va voir que Jean XVI nous dit que le, il a défini, comment on appelle, il nous a dit, il nous a expliqué qu'est-ce qui est le péché. Il a dit qu'il y a un seul péché qui est de ne pas croire en Jésus-Christ. Parce que là, c'est ça qui est le vrai péché. C'est pas toujours le péché que, comme Moïse nous a dit, si tu mens, tu tues, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, c'est ça le vrai péché. Et si ces gens-là ne croient pas en Jésus-Christ, ils ont déjà péché, parce que si tu crois en Jésus-Christ, tu vas même pas partir tu vas pas mentir, tu vas même pas tuer, si tu as vraiment la crainte de l'Éternel. Et ces gens-là, ils font le bon de ce monde, mais ils ne font pas, ils croient pas en Jésus-Christ, ça les emmène rien. C'est aussi Praise the Lord. Alléluia. The one Christ called discipline is different. Das, was Christus allerdings Disziplin nennt und wie Christus Disziplin definiert, ist anders als diese Welt. La définition de la parole discipline selon le royaume des cieux, c'est différent que la parole difficile discipline selon ce monde. Amen. Amen. Amen. Amen. It is, you know, in Christ's kingdom, a man without discipline means a man without Christ. Mm. In der Welt von Christus ist ein Mensch ohne Disziplin ein Mensch, der ohne Christus lebt. Dans le monde de Christ, une personne qui est sans discipline, c'est aussi une personne qui vit sans qui n'est pas en Christ en fait. It means a man without the truth, what Christ called the truth. Ein Mensch ohne Disziplin ist ein Mensch, der ohne die Wahrheit lebt, das was Christus die Wahrheit nennt. La parole, une personne sans discipline, c'est une personne qui vit sans la parole de l'Éternel, sans Jésus-Christ. You have to know how to be disciplined in Christ's world. Und du sollst es wissen, wie du in der Welt von Christus diszipliniert wirst. Tu dois apprendre à être te discipliner dans le monde de Jésus-Christ. It means once you hear the truth, the message, you believe. You believe it and act on it immediately. Mm-hmm. And continue to act. Mm-hmm. Mm-hmm. In der Welt von Christus bist du diszipliniert, wenn du das Wort von Christus hörst und es sofort anwendest und sofort danach handelst. Et dans le monde de Christ, tu es discipliné. Comment est-ce que tu es discipliné? C'est quand tu écoutes, tu entends la parole de l'Éternel et tu le rends en pratique directement. C'est là que tu es discipliné. Selon la signification de l'Éternel. I can see it a lot in this ministry. The children here are so disciplined. Mm-hmm. Good children. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. You are so disciplined. Because any message, I can see it in your life already. Mm-hmm. Amen. Immediately I see the action moving on. Mm-hmm. That is somebody that is disciplined in Christ's world. Mm-hmm. Und ich kann diese Disziplin von Christus hier in dieser Gemeinde sehen, hier unter euch sehen, dass wenn ihr die Botschaft hört, dass ihr die sofort in die Praxis umsetzt. Und da sehe ich, dass diese Disziplin von Christus in euch Frucht trägt. Et dans ce ministère, moi je vois ici la discipline de Jésus-Christ, parce que je peux voir ça dans votre vie. Dès que l'Éternel, le Saint-Esprit, donne un message, je peux voir comment vous tous êtes en train d'agir selon ce message. Et ça me fait voir que vous êtes vraiment, surtout vous ici, vous êtes vraiment disciplinés dans la vérité. I don't know, I can see how you are hungry of the truth, and once you hear it, you are ready for repentance. Mm. That is somebody that is disciplined. Und ich kann sehen, wie hungrig ihr nach der Wahrheit und nach dem Wort seid und dass ihr sehr schnell darin seid, Buße zu tun. Und das ist die Disziplin von Christus. Et je peux voir, moi je peux voir combien vous êtes affamé de la vérité, que dès que vous écoutez la prédication, vous directement vous êtes en train de l'utiliser, de le mettre en pratique ou bien de vous repentir quand vous dites que quelque chose n'est pas bien, à vous corriger. Directement vous vous repentez, vous dites, oh c'est pas bien, on doit laisser vous parler ensemble. Donc ça, cette repentance aussi, ça me fait voir comment vous êtes discipliné. It is what Christ called the truth to be disciplined in Christ's word. Und es erfordert das, was Christus die Wahrheit nennt, um überhaupt in Christus diszipliniert zu sein. Et vous avez vraiment besoin de ce que l'Éternel appelle dans le monde de ce que Jésus-Christ appelle discipline. C'est ce que vous êtes en train de pratiquer. Besoin de la vérité. Amen. Donc on a vraiment besoin de la vérité pour être discipliné dans le royaume des cieux. Voilà. Amen. Which also it is called the knowledge of the truth. The knowledge. Amen. Mm-hmm. If you know the truth is your freedom. Mm-hmm. The truth you know, you act on, will free you. Und deswegen ist auch die Erkenntnis der Wahrheit. But you have to first of all know it. The knowledge. Und deswegen ist auch die Erkenntnis der Wahrheit so wichtig, denn es geht darum, nicht nur die Wahrheit zu sehen oder zu hören, sondern die Erkenntnis dieser Wahrheit auch zu haben und diese dann auch richtig umzusetzen. Und deswegen, und diese sehe ich auch bei euch. Et donc, il s'agit seulement de, c'est pas, il s'agit pas seulement d'entendre mais d'écouter la, la vérité. Il s'agit juste de reconnaître quand tu, tu as cette connaissance, c'est là que tu le mets, vous le mettez en pratique. C'est ça que moi je vois si on vous. Romans 8:14 help us to know those that are called the sons of God. Mm-hmm. Amen. Those that are led by the Spirit. Amen. Those that are led by the knowledge of the truth. Amen. The knowledge of Christ and not of Moses. Amen. Are the sons of God. Und in Römer 8:14 lesen wir, dass die, die vom Geist geleitet sind, dass, dass die, die wahrhaftigen Söhne Gottes sind, die Leute, die nach der Erkenntnis der Wahrheit handeln und nicht nach der Erkenntnis von Mose. Mm. Et la Bible nous dit, Romain nous dit que ceux qui sont guidés par l'Esprit de l'Éternel, ce sont eux les fils de l'Éternel. Amen. Oui. Amen. Example, Saul and Paul. When he was Saul, he was led by Moses, who was not the son of God. Mm-hmm. But when he was now Paul, he was not led by the Spirit. Mm-hmm. He became the son of God. Mm-hmm. Und das sehen wir auch im Leben von Paulus, dass als er vorher agiert hat unter dem Namen Saulus, dass er unter der Erkenntnis von Mose gehandelt hat und nicht nach der Erkenntnis der Wahrheit. Und erst als er Christus begegnet ist, und als Paulus agiert hat, dass er dann in der Erkenntnis der Wahrheit agiert hat und gepredigt hat. Tu peux voir ça dans la vie de Saul et Paul. C'est une personne, mais quand il était Saul, il était en train de vivre selon la loi de Moïse. Uh-huh. Et maintenant qu'il est maintenant dans la voie de Jésus-Christ, quand il a commencé, il a connu la parole de l'Éternel, c'est comme ça qu'il a commencé à vivre selon l'Éternel. Et c'est comme ça qu'il est devenu un fils de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 8, please. Verse 1. Lesen Römer 8, Vers 1. Romans 8, Vers 1. Amen. It said, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen. You can see those that are disciplined. Those, you know, a man, a discipline means a man with Christ alone. That allow, you know, that he said, who walk not after the flesh, but after the Spirit. That's a disciplined man. Before Christ. Und in Vers 1 lesen wir, wie hier eine disziplinierte Person beschrieben wird. Denn es geht darum, dass die Person nicht gemäß dem Fleisch wandelt, sondern gemäß dem Geist. Und das erfordert die Disziplin von Christus. Pendant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils marchent selon l'esprit et non selon la chair. Et cela, ils sont entrés, ce verset nous fait voir qui est discipliné dans le royaume des cieux. C'est quand tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Christ people are the disciplined people. Mm-hmm. We live very narrowly. Mm-hmm. Die Leute von Christus sind diejenigen, die wahrhaftig diszipliniert sind, denn wir leben ein sehr schmales Leben. Les gens de Christ, les enfants de Dieu, qui sont vraiment les fils de Dieu, qui sont guidés par l'Esprit de Dieu, ce sont eux les gens qui sont vraiment disciplinés, parce que nous, on se laisse que guider que du Saint-Esprit. Amen. Amen. We are not complicated. Wir sind nicht kompliziert. On vit un chemin étroit. Nous ne sommes pas compliqués en fait. We are simple. Wir sind einfach. Nous sommes simples. You are not Christ, then you know us. Du musst so simple. Du musst nur Christus kennen, um uns zu erkennen. Tu dois seulement connaître. C'est einfach. Les gens pensent que nous sommes compliqués, mais tu dois seulement connaître le Christ pour nous connaître. Praise the Lord. Hallelujah. We have vision. Wir haben eine Vision. On a une vision. Christ is our vision. Amen. Christus ist unsere Vision. C'est le Christ qui est notre vision. Amen. Amen. You know, if you know, naturally, when a man or a woman has a vision, their life becomes very tight. Natürlich gesehen, wenn very tight. Ein Mann it oder means narrow also. natürlich gesehen, wenn ein Mann oder eine Frau eine Vision haben, leben sie ein sehr striktes Leben. Also sie schränken sich ein, weil sie ihre Vision irgendwann mal in der Zukunft sehen wollen. Deswegen wollen sie halt nichts, was irgendwie dieser Vision im Weg stehen kann. Und sie leben ein sehr striktes Leben, wirklich nach dieser Vision, die sie haben. Dans le monde, dans ce monde ici, quand une femme et un mari ont une vision, par exemple, sont en train de vivre une vie très, très stricte. Ils ne veulent pas de, que quelqu'un puisse de l'extérieur puisse les affecter ou bien distraire, par exemple. Ils ne veulent pas, même pas la famille, même pas la mère, même pas le fils, je ne sais pas qui, parce qu'eux, ils ont leur vision. Ils disent que moi et ma femme, on a une vision, on doit le suivre, en fait. Are you getting it? For example, if your vision is to buy a house, you know, all others will be relevant to you. You will save, you do everything. That will be the direction of the direction of having the house. That now that you can see the narrow gate. You can see that, you know, that it's not so tight. Things become so tight. Wenn eine Person beispielsweise die Vision hat, ein Haus zu kaufen, dann wird die Person wirklich alles tun und alles in Bewegung setzen, was in diese Richtung geht, dass sie irgendwann mal dieses Haus bekommt. Mhm. Beispielsweise wird sie anfangen zu sparen, ein weiteres Konto vielleicht zu eröffnen, um da irgendwie Geld einzusparen für das Haus, sich vielleicht einschränken, die Einkommen, die Ausgaben auszählen und alles tun, was in diese Richtung Hauskauf geht, um diese Vision am Ende ins Leben zu holen, hervorzurufen. Tu peux voir que si un homme et une femme, ils ont une vision, par exemple, ils se disent qu'ils veulent acheter une maison, par exemple, tu vas voir qu'ils vont devenir très stricts. Ils vont commencer à dire, oui, ils vont commencer à dire, on va avoir de l'argent, on veut cotiser, on veut juste... comment dire, ils vont commencer à dire qu'ils veulent plus acheter beaucoup à manger dehors, ils vont commencer à garder l'argent pour acheter une maison à la fin. Économiser. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Allow Christ to be your vision. Christ alone. Lass zu, dass Christus deine Vision ist, und zwar Christus allein. Permet l'Éternel à être ta vision, seulement l'Éternel lui-même. That everything can touch anything, but not Christ. Das, your vision. Dass alles, dass alles sich ändern kann, aber dass Christus dich nicht ändert in deinem Leben. Dass alles für dich keine Rolle spielt, es sei denn, du hast Christus. Das ist das Einzige, was für dich zählt. Que tout peut changer, toucher les autres choses. On peut, tout le monde, que personne est capable, doit être capable à toucher ta vision qui est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la chose. Seule chose qui, ou bien la seule personne qui va pas, qui ne peut pas, qui ne peut pas changer dans ta vie. Amen. Amen. A man or a woman that have a vision, you know that vision become just one thing. Are you getting it? It becomes so tight. Their life becomes so tight because that one thing simplifies life. It means life. It's life between life and death. Bei einer Person, die eine weltlich gesehen eine Vision hat, geht es bei der Person nur noch um diese eine Sache, nur noch um diese eine Vision, die sie ins Leben rufen möchte. Und sie wird ihr Leben so einschränken für diese eine Sache. Und sie macht diese eine Sache zu ihrem Leben. Donc, une personne qui a une vision va réduire toutes ses priorités seulement pour recevoir, pour avoir, pour suivre cette vision qu'il a, parce que cette vision-là va devenir sa vie. That one thing which is Christ, our vision is our life. Mm-hmm. Colossians 3 said it. Christ is our life. Mm-hmm. In Kolosser 3 lesen wir, dass Christus unser Leben ist und diese eine Sache, diese eine Vision, die wir haben, ist Christus, weil Christus unser Leben ist. Colossiens 3 nous dit que c'est Jésus-Christ qui est notre vie et c'est ce que on doit c'est parce que pourquoi il est notre vie parce qu'on va se concentrer si on va être si concentré à l'Éternel que lui va devenir notre vie qu'on regarde plus à gauche ou à droite. Praise the Lord. Alléluia. You are that narrow gate. Du bist dieser schmale Weg. C'est toi qui es la vie étroite. If Christ is your narrow gate, that narrow gate is you. wenn Christus der schmale Weg ist, dann ist dieser schmale Weg auch gleichzeitig du. Si le Christ est ce chemin étroit, ça signifie que le chemin étroit, c'est aussi toi. Amen. Mm. And that's why anything outside Christ cannot go through you. Again. Mm. A narrow gate. Anything outside Christ, it's only Christ that can fit there. Mm. I don't know if you are getting it. Mm. Only Christ can fit, can go through. But all that thing, see, that place is so narrow that it's only Christ that can go through. Mm. All others, they cannot go through. They are too big to go through. Mm. Und weil dieser schmale Weg Christus ist, kann alles, was sozusagen durch dich hindurch geht, nur von Christus kommen. Und die Dinge dieser Welt werden gar keinen Platz mehr finden, um diesen schmalen Weg überhaupt zu übertreten, weil der Weg so schmal ist, sehr, so voll ist von Christus, dass nur Christus allein da durchgehen kann. Donc ça signifie que, vu que c'est Jésus-Christ qui est ta vie, toute autre chose ne peut pas, ça ne peut pas venir près de toi, ou bien passer dans ta vie, hein, parce que tu es si concentré à l'éternel Jésus-Christ que lui, il est ta vie, que toute autre chose qui n'est pas de l'éternel, qui va commencer ou bien essayer de passer à travers toi, ça ne peut pas, parce que toi, tu es concentré à l'éternel. C'est l'esprit qui te guide. Donc, ça signifie que, du coup, par exemple, s'il y a quelqu'un ou bien quelque chose qui n'est pas de l'éternel, qui veut passer à travers de toi, toi, tu vas partir de côté. Ça ne peut plus devenir près de toi, parce que toi, tu es concentré à l'éternel et la chose, seule chose qui passe à travers toi, qui fonctionne, qui te guide, c'est aussi le Saint-Esprit, en fait. Amen. Mm-hmm. You know, before you came to Christ, you were the bright gate, this bright gate. Mm-hmm. And everything can come through. Mm-hmm. Everything can go through. Mm-hmm. Oh, no, this, everything of this world. Mm-hmm. Their laughter goes penetrate through you. Mm-hmm. Whatever they are doing is affecting you. But now, the narrow, they cannot even near there. Und bevor wir zu Christus gekommen sind, befanden wir uns alle auf dem breiten Weg, auf diesem breiten Weg, der ins Verderben geführt hat und auf diesem breiten Weg, wo alles noch reingepasst hat, die Meinungen der Menschen haben. Achso, waren wir der breite Weg, ja. Bevor wir zu Christus kamen, befanden wir uns nicht nur auf dem breiten Weg, sondern wir waren dieser breite Weg. Und auf diesem breiten Weg hat alles noch Platz gefunden. Die Meinung anderer Menschen hat Platz gefunden. Und die Gelächter anderer Leute, was sie denken, die ganzen Gedanken von Menschen haben Platz gefunden. All die Dinge dieser Welt haben noch Platz gefunden in diesem breiten Weg, weil der Weg auch breit genug war, um zuzulassen, dass diese Sachen mitkommen. Aber jetzt, wo wir in Christus sind, ist dieser Weg so schmal und so klein, dass nur noch Christus Platz auf diesem Weg findet und alles andere von dieser Welt gar keinen Platz mehr hat. Avant qu'on puisse venir vers l'Éternel, nous-mêmes, on était la voie, le chemin large. C'était nous-mêmes. Parce que tu peux voir ça, parce qu'avant de venir en Jésus-Christ, tout ce que les gens pensaient, disaient, se moquaient de nous, ça te blessait, ça t'affectait, ça te prenait toutes les énergies, ça te rendait aussi triste. Et ça te fait voir que tu étais aussi une voie large. Mais maintenant que Jésus-Christ est notre vie et que nous sommes maintenant une voie étroite, voilà. Si quelqu'un te dit quelque chose, si quelqu'un te montre de toi, vu que tu es concentré à l'éternel et tu sais ce que tu es en train de faire, tu sais où est, qu'est-ce qui est ta vision, ça ne va même pas t'affecter parce que tu dis que vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Si quelqu'un se moque de toi, tu dis que mais toi, tu es encore ici, tu n'es pas toujours marié, mais vois que vu que toi, tu sais que tu es marié avec Jésus-Christ et ton chemin, ta concentration, c'est Jésus-Christ, tu vas le voir, tu vas te dire, mais tu vas seulement te moquer d'eux. Parce que tu es maintenant toi-même le chemin étroit. Mais quand tu étais une voie large, quand il dit seulement quelque chose comme ça, tu commences à Dieu, aide-moi, je veux me marier comme par exemple. C'est un exemple. Hein? Praise the Lord. Alléluia. You know, before we had an example. Amen. Before we had this bright gate, we were the one carrying the family's load. Are you getting it? Mm-hmm. We were the one being there for everybody. Mm-hmm. Are you getting it? Amen. Somebody here will come. The other one will come. You are not the firstborn of the family. It's as if you are the firstborn of the whole world. Mm. Amen. Everybody coming. But now, The gate is so tight that it's all over. It's Christ. Mm. You can see it. It's different. Mm. Und früher, als wir noch der breite Weg waren, hatten auch die Bürden der Familie Platz bei uns, dass wir uns Sorgen gemacht haben um unsere Familien, dass wir versucht haben, für alle da zu sein, für Familie da zu sein, für Freunde da zu sein, dass man hier so viel aufgebürgt hat, weil man für Menschen da sein wollte. Aber jetzt ist der Weg so schmal, weil er nur noch Christus ist und nur noch Platz für Christus da ist. Amen. Und jetzt sind auch alle Bürden weg und die ganzen Lasten sind abgefallen, weil es nur noch um Christus allein geht. Amen, amen. Par exemple, avant, imaginez, avant quand on était encore le chemin large, on se voyait comme, vu qu'on est les premiers nés de la famille, tu as toutes les charges de la famille. Ou bien tu dis que, oh, tu es une de, tu es la seule qui est en Europe, tu es la seule qui est en Allemagne. Donc tu as toutes ces charges-là, je dois tout faire pour ma famille, je dois aider mes parents. Donc toi, tu as de la charge parce que tu es la aînée, tu as la famille, tu as des soeurs, des frères. Tu vois, tu es en train de prendre toutes ces charges-là sur toi, sur ton fardeau. Ça t'emmène la tête, ça te stresse. Mais maintenant que tu es en Christ... vu que maintenant il s'agit que de l'éternel, tu dois être concentré, tu dois laisser ton propre soi, tes propres vœux, tu dois être concentré vers l'éternel pour suivre ce chemin. Tu vas voir que tu n'as plus ces charges-là, tu as fait tomber ces charges-là parce que tu te rends compte que mais l'éternel n'est pas seulement mort pour moi, il est mort aussi pour eux. Donc, vu que je suis ici, je veux aussi leur donner seulement la parole de l'éternel. Et tu vas voir que tout s'est réduit en Jésus-Christ. Ça devient un chemin étroit, et du coup, tu n'as plus ces charges-là. Parce que même si quelquefois ça vient dans ta tête que oh, je suis l'aîné, oh, je suis la seule qui est en Europe, tu te rappelles de l'éternel qui est mort pour eux. Tu te dis, mais leur père est au contrôle. Je vais seulement prier pour eux. Tu vas voir que les charges partent directement. Praise the Lord. Hallelujah. Allow you to be this narrow gate. Lass zu, dass du selbst dieser schmale Weg bist, denn du entscheidest. Et c'est toi à choisir. Permets que toi, tu puisses être ce chemin étroit. Amen. Mm-hmm. Well, it's all about Christ alone. Mm-hmm. That can go through there. Lass zu, dass du dieser schmale Weg bist, da, wo es nur noch um Christus geht. Dass nur noch Christus durch diesen schmalen Weg gehen kann und alles andere keinen Platz hat. Mm-hmm. Permets que l'éternel soit le chemin étroit où que seulement l'Éternel qui peut passer à travers toi. If you allow this, you to not be this narrow gate, you see how everything works. Amen. You that load of pain, that load of sicknesses and disease, you open the door for them. The door is bright. That's why they can go there. Mm. You know all those problems. They can only go through the white gate. But if you allow that gate to be narrow, that it's only Christ that go through there, they will not have place to pass through. Mm. I don't know if somebody is getting it. Und wenn du zulässt, dass dieser Weg schmal ist und dass es in diesem, bei diesem Weg nur noch um Christus geht, dann wirst du auch sehen, wie alles andere, wo sich alles andere Christus auch drum kümmern wird und alles andere sich in Christus fügen wird, weil wenn wir, also lass nicht zu, dass dieser Weg schmal wird und dann sich während des Weges dieser Weg noch breiter wird, weil du durch diese Ängste, durch diese Probleme, durch diese Sorgen dafür sorgst, dass dieser Weg wieder breit wird. Aber lass zu, dass dieser Weg schmal ist und schmal bleibt und nur Christus sozusagen die Kontrolle übernimmt über all diese ganzen Menschen, um die du dich sorgst, über all die ganzen Dinge. Weil wenn es nur um Christus geht, dann wird sich alles fügen. Laisse l'Éternel et permet à l'Éternel à être ou bien à, que toi-même aussi tu puisses être le chemin étroit, parce que tu peux commencer avec le chemin étroit, tu commences, que tu dis que je laisse tout pour l'éternel, mais dès que tu commences à avoir des soucis pour tes soeurs, tes frères, ta famille, tu es l'aîné, les responsabilités là encore rentrent dans ta vie, tu vas voir que ce chemin qui est étroit commence encore à devenir encore plus grand, et là tu continues plus dans l'éternel, tu dois vraiment être discipliné à voir l'éternel pour continuer à laisser le fardeau là à l'éternel, que c'est lui qui doit se charger de ces personnes et pas toi. Parce que sinon, c'est comme si tu étais en train de dire à l'éternel que c'est toi qui es le sauveur et c'est pas lui qui est le sauveur. Et c'est pour ça que tu dois vraiment continuer à être le chemin étroit. We have a lot of things here. I don't even think we're today because I just look at it. I do not even know that there were as many as this because all through the night. Praise the Lord. Who will continue? Praise the Lord. Amen. Ephesians 2, please, from verse 1 to 7. Ephésiens 2, vers 1 bis 7 lesen wir. On va lire Ephésiens 2. It says, and you had he quickened, who were dead in trespasses and sins. Verse 2. Wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now walketh in the children of disobedience. You see there? Mm-hmm. We don't have the same spirit. Mm-hmm. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. We have the spirit of Christ. Amen. Vers 2 zeigt uns, dass wir nicht denselben Geist mit den Söhnen des Ungehorsams haben, sondern wir haben den Geist von Christus. Vous étiez morts par votre offense et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon les principes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça signifie que on était une fois comme les fils de la rébellion maintenant. Aujourd'hui, maintenant, on n'a plus le même esprit. On a l'esprit de l'éternel et pas l'esprit les mauvais esprits que ces gens ici. Verse 3 said we were once like them. In Vers 3 lesen wir, dass wir einst genauso wie sie gelebt haben. Verset 3 nous dit qu'on était une fois comme eux. Amen. It's among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desire of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. We were not different from them, but now there is a great difference. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Verse 4. Attendez, verset 3 nous dit qu'on était comme eux une fois, mais maintenant nous sommes différents parce que nous ne sommes plus dans le même esprit. It said, but God, who is rich in mercy, and for his great love wherewith he loved us. Verse 5. Even when we were dead in sin, hath he quickened us together with Christ. By grace you are saved, and have raised us up together, and make us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You can see before. There's a difference between the before and now. Und wir sehen hier den Unterschied zwischen vorher und nachher. Et ici on voit une différence entre avant et aujourd'hui. Amen. Et après notre salut. Dass wir vorher tot waren und jetzt lebendig sind. Que avant on était mort et maintenant on vit. Amen. Let to be this narrow gate, please. Lerne dieser schmale Weg zu sein. Apprends à être ce chemin étroit. Everything outside Christ, we hate you. Alles außerhalb von Christus wird dich dafür hassen, weil sie nicht durch diesen Weg gehen können. Tous les choses qui sont en dehors du Christ vont te détester parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas marcher à travers toi. Everything outside Christ, you know, there are so many, they will hate you. There are so many. Alles außerhalb von Christus, und das ist sehr vieles, was außerhalb von Christus ist, wird dich hassen, weil du dich für den schmalen Weg entschieden hast. Chaque chose qui est en dehors du Christ va te détester parce qu'ils vont comprendre qu'ils ne peuvent pas, marcher à travers toi. They cannot go through because it is too tight. Denn sie können nicht durch diesen schmalen Weg gehen, weil er viel zu schmal ist und viel zu klein ist. Les choses qui ne sont pas de l'éternel ne peuvent pas marcher à travers le chemin étroit de Jésus-Christ parce que ce chemin est si étroit que seulement les choses de Dieu peuvent passer. They need a brighter way to go through. Und diese Sachen benötigen einen breiteren Weg, um hindurchzugehen. Ces choses-là ont besoin d'un chemin qui est un peu plus large pour y marcher, pour entrer dedans. Amen. Satan and his demons and his angels, all the sicknesses and diseases, they need the brighter way. They are looking for the brighter way. The narrow gate is just too narrow for them. Der Teufel und seine Dämonen, seine abgefallenen Engel, sie brauchen einen breiten Weg, und seine Lügen, all das, was der Teufel geplant hat, erfordert einen breiten Weg, um dahin durchzugehen. Aber dieser schmale Weg, wofür du dich entschieden hast, ist viel zu eng und viel zu schmal für sie, dass sie da durchgehen können. Donc ça signifie que le chemin de Jésus-Christ qui est étroit, que tu t'es décidé, il est trop, il est vraiment trop étroit. C'est pour cela ces gens-là, ou bien les démons, ou bien les histoires qui ne sont pas de Christ, ils ont toujours besoin d'un chemin qui est un peu plus large pour y marcher. Dans le chemin qui est étroit, ils ne peuvent pas agir. Amen. Amen. The gate is just too narrow for them because once they come, you prove them. Is somebody getting it? It's a prove all things. First Thessalonians. Once they come, you prove them. They cannot penetrate. Und der Weg ist so schmal, dieser Weg, der du jetzt bist, der ist so schmal für diese Dämonen und für die Werke des Teufels, dass sobald sie einmal kommen, sobald seine Lügen kommen, sobald seine Krankheiten kommen, dass du sie sofort prüfst und dass du sie gegen das Wort Gottes prüfst und sie überhaupt gar keine Möglichkeit haben, durch dich hindurchzukommen, weil du sobald sie andocken, sie direkt prüfen wirst. Donc le chemin étroit et le chemin est si étroit que dès que quelque chose vient vers toi, tu vas directement examiner si c'est du Christ ou bien ce n'est pas de Christ. Et si c'est pas de Christ, il n'y aura tu vas même pas le permettre à entrer en toi ou bien à marcher à travers toi. Amen. You know, he said I want to steal from you through them. Amen. He cannot get his way. Because they come for you for help. Help me with money. Help me with this. Help me. Are you getting it? Help me, you know. You are going to prove that. And you know, Satan cannot steal from you any longer. Because the road is just too tight. Are you getting it? You are going to prove them. Are these people, is it they choosing Christ? Or it's all about themselves? Wenn der Teufel dir beispielsweise ankommen möchte durch das Gute dieser Welt, beispielsweise, dass Menschen, die du aus der Vergangenheit kennst oder Menschen, die du, deine Familie oder Freunde dich um Hilfe bitten oder dass es ihnen gerade sehr schlecht geht, dass sie deine Hilfe brauchen, dass sie deine Unterstützung brauchen, dass wenn der Teufel beispielsweise dir damit an deine Tür anklopft, an deinen Weg, an deinen schmalen Weg kommen möchte, wirst du diese Sache direkt prüfen. Du wirst direkt schauen, okay, sind diese Menschen, entscheiden sich diese Menschen für Christus? Was machen die? Ist das wegen Christus oder ist das wegen irgendwelchen weltlichen Sachen? Du agierst nicht direkt und hilfst nicht direkt und hast nicht direkt Mitleid und sagst, okay, meine Familie, sondern du prüfst die Sachen mit Christus und schaust, ob diese Menschen sich für Christus entscheiden, ob das Motiv Christus ist oder nicht. Et c'est comme ça, par exemple, les gens, tu vas voir, un exemple, c'est par exemple, quand ta famille vient et te dit qu'on a besoin de l'argent, avant, on était en train de donner seulement parce que tu vois que ah, c'est ma soeur, c'est mon frère. Mais aujourd'hui, tu vas commencer à contrôler. C'est comme si quand tu voyages, les contrôles de bagages, là, ils vont te dire aussi que, ok, avant de passer, ils doivent être sûrs que tu n'as pas des épées dans ta valise et des histoires comme ça. C'est comme ça si tu vas commencer à examiner. Tu vois, ok, mon frère me demande quelque chose. Ok, est-ce que la personne, mon frère, est intéressée à Christ ou elle n'est pas intéressée à Christ? Et c'est comme ça que tu vas commencer à prendre tes décisions, toujours à travers le Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Many ways we open the door for Satan to come in. Many ways. Our love, you know, the so-called our loved ones that we know, more brothers, sisters. You know, met somebody, their mother my die, or husband die. You go there and visit them. Well, you know that they are not of Christ. The good of this world is so deadly. And so many times you open the door for them. Because the door is so, the gate is right. And they come in to steal, kill, and destroy. They break down, you know, Satan have his own responsibility. He have his own job to do. Sicknesses and diseases, they are coming from him. All this pain, they are coming from him. And they embrace you. You don't even know where things are coming from. Let us allow that gate to be so narrow. Please. Und der Teufel wird dieses Gute dieser Welt auf jeden Fall nutzen, um die Tür zu öffnen, um den Weg, den du schmal eigentlich halten wolltest, wieder breit zu machen, weil diese ganzen Menschen beispielsweise, die wir aus der Vergangenheit kennen und die sich aber nicht für Christus entscheiden haben, wird der Teufel benutzen, um uns mit diesen Guten dieser Welt in die Irre zu leiten. Beispielsweise, dass jemand gestorben ist, keine Ahnung, oder dass die, keine Ahnung, ein Kind bekommen haben oder dass sie heiraten und sie laden dich ein oder all diese ganzen Dinge, dieses Gute dieser Welt wird dafür sorgen, dass du dann aus Mitleid oder weil man die Leute kennt, dass man dann auf einmal da ist, wo diese Leute sind, die sich bewusst für, gegen Christus entschieden haben, die keine Beziehung mit Christus haben wollen, aber wir gehen trotzdem hin, wenn sie uns rufen, wir sind sofort da, wir nehmen sofort ab, wenn sie anrufen, und das wird dann dazu führen, dass dieser schmale Weg, den du ja eigentlich schmal halten solltest, wo es eigentlich nur um Christus gehen solltest, dass er wieder breit wird und dass der Teufel wieder Raum hat, seine ganzen Lügen, seine ganzen Dämonen in diesen Weg reinzulassen. Und wenn dann Probleme wiederkommen, wenn dann Krankheiten wiederkommen, dann wundern wir uns, woher diese ganzen Sachen kommen. Aber du bist die Person, die die Tür aufgemacht hat für den Teufel, dass der Weg wieder breit wurde. En fait, quelquefois, on s'est décidé, on doit vraiment faire attention, parce que tu te décides de avoir, de continuer dans ce chemin étroit, tu dois le faire avec conséquence. Parce que quelquefois, on est si habitué avec le bien de ce monde. Tu te dis, ok, je continue, je ne fais rien, je regarde que Jésus-Christ. Mais après, il y a quelqu'un qui meurt, par exemple, ou bien une fête de mariage, ou bien n'importe quelle fête, toi tu dis, ah, mais c'est la famille, tu vois le bien de ce monde, tu dis que c'est la famille, tu y pars, tu pars là-bas, et tu ne sais, tu te rends pas compte que tu ouvres un chemin pour que le chemin, tu ouvres une porte pour que le chemin qui était étroit devienne encore plus large, parce que tu commences maintenant pas seulement à suivre Jésus-Christ, mais tu suis Jésus-Christ et encore avec un autre œil, le bien de ce monde, qui aussi, oh, c'est ma famille, mais on se connaît depuis déjà. Tu commences aussi maintenant à considérer comme ça. Et puis, après, on se rend compte pourquoi on est en train d'échouer, on ne guérit pas, on a des problèmes, des histoires comme ça. C'est parce que tu veux suivre Jésus-Christ, mais avec un autre œil, tu es derrière le bien de ce monde. Et c'est pour cela, là, on doit faire attention, parce que c'est pour cela qu'on doit prendre, c'est ce que maman disait aussi au commencement, que conscient et inconsciemment, quelquefois, on a des cœurs endurcis parce qu'on est en train de suivre Jésus-Christ, mais on n'est pas conscient que quelquefois, on laisse encore une porte ouverte, on est en train de prendre, de trier ce qui est bien, ce qui est mauvais. Parce que tu dis que être bien dans le monde, le bien de ce monde n'est pas mauvais. Oui, selon le monde, c'est pas mauvais, mais selon Dieu, c'est aussi mauvais parce qu'il veut que tu puisses que voir lui-même. Praise the Lord. Alléluia. I don't know about you, but my gate is just too narrow. Amen. A son or an uncle with all these grandchildren. There might be 1 million. I don't care. If they don't belong to Christ, they don't belong to me. It's as simple as that. Allow that gate to be so narrow. Allow it to be Christ alone that can go through. That's how you can also be there for them. Because you surrender. You know, that narrow gate means you surrender everything to Christ. Are you getting it? Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber mein Weg ist sehr, sehr schmal und viel zu schmal, dass diese Menschen beispielsweise durchdringen können. Und du solltest auch zulassen, dass dein Weg sehr schmal bleibt, dass diese Menschen überhaupt gar keinen Raum finden, durchzugehen. Weil bei mir ist es zum Beispiel egal, ob es meine Enkelkinder sind, ob es meine Familienangehörige sind. Es ist egal, wie viele Enkelkinder ich habe. Es ist egal, ob es eine langjährige Freundin ist, ob es egal, wer es ist. Wenn diese Personen sich nicht für Christus entscheiden, dann haben sie sich auch gegen mich entschieden und haben keinen Raum an meinem schmalen Weg, weil es nur noch um Christus geht. Und wenn du dich für diesen schmalen Weg entscheidest, dann bedeutet das auch gleichzeitig, dass du diese Menschen Christus abgibst, weil wenn du sie Christus abgibst, dann wird Christus sich um diese Menschen kümmern und nicht du, der sozusagen diesen Weg breit macht, um sich für diese Menschen zu kümmern, sondern lass zu, dass Christus sich selbst um diese Menschen kümmert. En fait, je sais pas qu'est-ce qui c'est qui vous concerne. Je sais pas qu'est-ce que vous faisiez, mais moi, j'ai tout réduit à ce chemin qui est étroit. Parce que moi aussi, maman dit aussi qu'elle a aussi des petits enfants, mais si ces petits-enfants-là et leurs parents ne sont pas positionnés 100% vers Jésus-Christ. Elle dit que ces petits-enfants-là, ça les appartient, ça n'appartient pas à elle. Elle ne regarde pas, elle ne demande pas comment elles sont parce qu'elle, elle a tout réduit sur Jésus-Christ. Mais elle le fait par amour et elle le sait aussi que c'est par amour parce que dans le Dieu, dans ce monde, on va dire, mais hey, toi, tu es la grand-mère. Pourquoi tu agis comme ça normalement sans tes petits-enfants? Non, elle a dit que c'est une décision où je crois Jésus-Christ ou je ne crois pas. Et quand je crois Jésus-Christ et que je rends mon chemin si étroit pour Jésus-Christ, c'est là aussi où je permets le Saint-Esprit à travailler, à dire que moi, je ne suis pas mort pour eux. C'est toi, papa, qui es mort pour eux. Et c'est là que le Saint-Esprit va agir. Et ce n'est pas mon problème à savoir comment ou bien à me soucier ou bien à demander comment l'Éternel va agir. Je lui laisse la possibilité à agir. Praise the Lord. Parce que dès que moi je rends aussi je considère ces petits enfants et que je rends aussi le chemin qui est étroit que je suis en train de suivre, je le commence à le mettre aussi large. Amen. All the lies of Satan are proven and kicked out. Only Christ, the truth, can come in. All die Lügen des Teufels prüfst du und schmeißt du direkt aus deinem Weg heraus, denn nur die Wahrheit von Christus hat Platz auf deinem schmalen Weg. Tout le mensonge du diable, je suis en train de les rejeter. Et c'est seulement la vérité de l'Éternel que j'emmène dans le chemin étroit. Allow that gate to be so narrow, please. Allow that gate to be so narrow. The book of James. James said, where envy and strife is, there's every evil work. So also, where there is a bright gate, anything can come in. Lass zu, dass dieser Weg so schmal und so eng wie möglich ist, dass es wirklich nur Platz für Christus gibt und für nichts anderes. Weil in Jakobus lesen wir das, wo Streit und Zwietracht ist, da ist jedes bösartige Werk. Und genauso, wo ein breiter Weg ist, da kann auch alles böse Werk kommen und hineingelangen. Permet que le chemin de l'Éternel soit vraiment si la porte soit vraiment si étroit, parce que la Bible nous dit que là où il y a de là où il y a de l'envie, des disputes, il y a aussi les œuvres du diable. Et c'est comme ça aussi que là où il y a une porte qui est large, un chemin large, là aussi il y a beaucoup il y a aussi de l'œuvre du diable qui peut aussi se manifester là. C'est pour ça que toi, tu dois te concentrer à voir que le chemin ou bien la porte qui est étroite de l'Éternel Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. To spoil things is very easy, but to repair them is so difficult. Sachen zu verderben. I don't know if you get it. Sachen zu verderben ist sehr einfach, aber Sachen wieder herzustellen, zu reparieren. C'est facile d'abîmer les histoires, mais de réparer les histoires, ça c'est difficile. If you allow them to come in, that means you made that gate wide to make it narrow. It will sweat the blood. Wenn du zulässt, dass dieser Weg wieder breit wird, dann wieder zu versuchen, dass dieser Weg schmal wird, das wird sehr, sehr, sehr viel Schweiß erfordern. Si tu permets que ce chemin qui est étroit devient encore plus large, ça va tu auras encore besoin de plus d'efforts. Tu vas vraiment beaucoup transférer pour le remettre que ce chemin redevient mince. The gate that you have left open, so wide, please tighten it. Tighten it. Have the problem come through there. Und diesen Weg und diese Pforte, die du in der Vergangenheit breit gelassen hast, die du offen gelassen hast, wo jeder sozusagen durchdringen konnte, bitte lass zu, dass er eng wird. Mach ihn schmal, so schmal wie möglich, so eng wie möglich und lass zu, dass es nur noch um Christus geht. Le chemin que tu avais ouvert à devenir si large, toi maintenant tu dois être conscient et te repentir et fermer toutes les portes. Laisse que ces chemins deviennent encore plus étroits. Amen. Amen. Prove all things. Don't allow anything. No, just everything. Whatever comes in, I have its own way. Don't allow it. Prüfe wirklich alles und lass nicht zu, dass jeder x-beliebige Mensch oder jede x-beliebige Person, die dir begegnet, direkt Raum bei dir findet, direkt einen Weg bei dir findet, sondern prüfe alles. Lass es nicht zu. Tu dois vraiment tout examiner. Donc ne permets pas que quelque chose puisse oui, puisse, puisse comment on appelle, faire devenir ton chemin qui est étroit, large. Donc, tu dois rentrer à la maison et tout éprouver, tout examiner. Praise the Lord. Amen. Before now, everything just come in and have their way in my life. But now, the gate is just too narrow. Mm-hmm. Vorher konnte alles. Because it's all about Christ alone. Amen. Vorher konnte alles und jeder kommen und hatte auch Zugang zu deinem Weg und hatte auch Raum in deinem Weg, weil dein Weg sehr breit war. Aber jetzt geht es nur noch um Christus und jetzt ist der Weg sehr schmal und sehr eng und deswegen prüfst du alles, weil es nur noch um Christus geht. Avant, tout le monde pouvait venir avec leurs problèmes et ma porte était si large, mais maintenant que ma porte est étroite seulement Jésus-Christ, tout ce qui vient, je dois d'abord l'examiner en Christ. Amen. Ça n'a pas accès, c'est pas toute chose. The visit you visited. Mm-hmm. What is the difference between you and them? Mm-hmm. Amen. The gate is so bright. Mm-hmm. Are you complain? Mm-hmm. Früher hast du sie besucht und sie haben dich besucht. Und es gab gar keinen Unterschied, denn der Weg war sehr breit. Eux, ils étaient en train de te visiter. Toi, si tu parles de visiter, où est la différence? Parce que le chemin est si large et puis après, tu commences à pleurer ou bien à te soucier. Amen. Don't be one with them. Amen. Sei nicht eins mit ihnen. Ne sois pas un avec eux. Amen. Don't, you know, it's too expensive. That joke is too expensive. Es ist zu kostbar. Parce que c'est trop cher. Cette blague-là, c'est trop cher quand tu... What you are going to pay will be too much. Will just be too expensive. Mm. Und das Risiko ist viel zu hoch. Das, was du... Das, was es dich kosten wird, das ist einfach viel zu groß, das Risiko. Le risque est vraiment très, très, très haut si tu es en train de te mélanger avec ces gens-là. Why don't you allow it to be Christ alone? Warum lässt du nicht zu, dass es Christus, dass es um Christus allein geht? Pourquoi tu ne permets pas qu'il s'agit de Jésus-Christ? There was a time my cousin said he wants to come here. Praise the Lord. Amen. You know, the door is open, but you have to be ready to receive Christ. Mm. If not, there is no way. That you are a cousin does not mean we are really a cousin. Mm. Es gab eine Zeit, in der ein Cousin, eine Person aus der Familie, die hier hinkommen wollte. Und wir haben dieser Person gesagt, dass sie sich darauf einstellen soll, dass es hier wirklich nur um Christus geht und dass wirklich hier radikal die Wahrheit gepredigt wird. Il y avait un temps où il y avait un cousin, une cousine qui voulait venir ici. Et moi, je l'ai déjà averti. Dans ma vie, il s'agit de Jésus-Christ. Donc... mercredi, tu viens à l'église, dimanche, tu viens à l'église, il y a les écoles bibliques, tu dois faire ça avec moi. Et c'est à la personne maintenant à choisir, parce que moi, dans ma vie, il s'agit de Jésus-Christ, dans ma maison, on va servir l'Éternel, selon l'Éternel, et pas que quand vous venez, vous faites ce que vous voulez. Und es ist egal, dass es ein Cousin ist, oder ein Familienmitglied, oder die Mutter ist, wenn es die Wahrheit von Christus ist, ist es die Wahrheit von Christus. Que tu sois cousin, cousine, ou ma mère, ou mon fils, je sais pas. La vérité de l'Éternel, c'est sa vérité, le chemin, c'est ce que j'ai pris et tu dois... Amen. Amen. Oui. Some even make it as a secret visit. Mm. Manche... As if you can keep something away from Christ, from Satan. Mm. They are spirit. Mm. They see everything. They see your heart. Mm. Satan know your heart. More than you even know your heart. Mm. So also is Christ. Mm. You might, you do whatever you like. It's your business. But you know... If the gate is bright, you should be ready to embrace whatever comes in. Und manche versuchen, Besuche sogar geheim zu halten. Ob sie Besuche von der Familie bekommen oder von Menschen bekommen, von Freunden bekommen oder ob sie selber diese Menschen besuchen gehen oder Freunde besuchen gehen und versuchen, das geheim zu halten, als ob man diese Sachen vor Christus irgendwie geheim halten könnte. Und es ist egal, es ist deine Entscheidung, ob du diesen Weg wieder breit machen möchtest, wegen dem Guten dieser Welt oder wegen der Familie oder wegen irgendwelchen Freunden. Es ist deine Entscheidung, weil du entscheidest, ob der Weg schmal bleibt, ob es dir nur um Christus geht oder ob du Kompromisse machst. Mhm. Und wenn dieser Weg dann wieder breit wird, dann brauchst du dich nicht zu wundern, wenn dann wieder Probleme an deine Tür klopfen. Mm. Donc, il y a quelques personnes qui se disent, qui commencent même quelquefois à cacher les visiteurs. Quand ils ont des visiteurs, ils ne disent pas à l'église parce qu'ils disent qu'on ne veut rien risquer. Mais c'est quelque chose entre toi et l'Éternel. Parce qu'à la fin, tu ne peux pas mentir Jésus-Christ. Tu ne peux même pas mentir au diable. Parce que le diable, il connaît même ton cœur plus que toi-même, tu connais le diable. Tu connais ton cœur. Et c'est pour cela, oui. Praise the Lord. Hallelujah. Stop allowing Satan to have his way. Lass nicht zu, dass der Teufel seinen Willen bei dir durchbekommt. Et ne permet pas au diable à planter son vœu dans ton cœur. Learn to prove all things. Lerne alles zu prüfen. Apprends à examiner toute chose. Is this visit of Christ or of Satan? It's one of them. Prüfe, ob dieser Besuch von Christus ist oder ob das ein Besuch von Satan ist. Examine si ces visiteurs c'est une visite du Christ ou bien c'est une visite du diable. Il vous faut encore. Is it of Christ or of Satan? Il vous faut encore. Oder den Anruf, prüfe ihn. Ist das ein Anruf von Christus oder ist das ein Anruf vom Teufel? Même quand tu téléphones avec quelqu'un, est-ce que tu es en train de téléphoner avec Jésus-Christ ou avec le diable? Est-ce que c'est que toi et la personne êtes en train de votre conversation, c'est en train de soutenir le diable ou bien Jésus-Christ? Oder auch Textnachrichten schreiben. Même quand vous êtes en train de vous envoyer des messages texto, est-ce que ça soutient la parole de l'Éternel ou bien ça soutient le diable? You don't already know 1 Thessalonians. No need to go there. Say prove all things. Mm-hmm. Amen. Und in 1. Thessalonia lesen wir, das steht, prüft alles. Et dans 1. Thessaloniciens, 1. Thessalonians 5:21. On dit qu'on doit tout éprouver, tout examiner. Praise the Lord. Amen. Christ, our vision. Christus, unsere vision. Jésus Christ, qui est notre vision. When you capture a vision, it simplifies everything. Wenn du eine Vision erhaschst, dann vereinfacht das alles. Quand tu as une vision, ça va. Quand tu as capturé une vision, ça va tout simplifier. Because vision controls all of your choices. Denn die Vision, die du hast, beeinflusst gleichzeitig auch die Entscheidung, die du triffst. Parce que la vision que tu as est en train de d'affecter aussi toutes les décisions que tu vas faire. Amen. It controls all of your choices, your decisions. Mm. Sie beeinflusst deine Entscheidungen, wofür du dich entscheidest. Deine Vision kontrolliert alles. Ta vision va contrôler aussi tes décisions et tout ce que tu vas, tout ton chemin, ça va continuer. It controls the books you read, the music you listen to, everything controls all. Deine Vision beeinflusst... What you buy, what you do. You get in it. Deine Vision beeinflusst, welches Buch du liest und welches Buch du sein lässt, welche Musik du hörst oder welche du sein lässt. Sie beeinflusst einfach alles. Die Kleidung, die du trägst oder die Kleidung, von der du ablässt. Einfach alles. Ta vision est en train de tout contrôler. Ce que tu vas mettre, ce que tu vas écouter, ce que tu vas voir. Ça va tout contrôler, en fait. Amen. Amen. It controls those you have relationship with. Your vision. It just simplifies everything. Und deine Vision beeinflusst ebenfalls die Menschen, mit denen du Kontakt hältst und mit die Menschen, zu denen du den Kontakt abbrichst. Deine Vision vereinfacht alles. Tes visions va contrôler les gens que tu as avec les gens avec qui tu vas avoir des relations ou bien tu vas pas avoir des relations, les gens avec qui oui, donc ça va tout simplifier en fait. Ta vision, c'est ça qui va décider. Praise the Lord. Hallelujah. Again, you know Christ our vision. If he is our vision, he controls all our choices. Und wenn Christus derjenige ist, der unsere Vision ist, dann ist derjenige, der alle unsere Entscheidungen kontrolliert. Et si c'est le Christ qui est notre vision, c'est lui la personne qui va contrôler tous nos décisions. Again, Matthew 13, we were there. Amen. From verse 44 to 46. Where he said, when you find it, you go and sell everything. You can see the vision is controlling everything. You go and sell everything to buy. You don't hide it. You keep it safe. It controls everything. Und dann erinnert euch an Matthäus, wo wir über den Schatz gefunden haben. Die eine Sache, die gefunden worden ist und wo daraufhin alles andere verkauft wurde, nur um diesen einen Schatz, um diese eine Perle zu behalten. Diese eine Sache, diese eine Vision, die Christus ist, sie beeinflusst alles. Donc ça signifie que c'est comme on a lu à Matthieu, c'est tu vas, c'est comme le trésor que tu as eu, que cet homme a eu, ça a tout contrôlé en fait. À travers ça, il s'est décidé à tout vendre pour seulement avoir ce trésor. Donc ça a tout contrôlé en fait. Amen. Once you find that vision, according to Matthew 13 from verse 44 to 46, once you find it, you never let it go. You pursue it. You are so much after it. It's all about this vision. Until you know you are one with it forever. It's more important than everything for you. It becomes life. Und sobald du diese Vision gefunden hast, hältst du sie fest und du verkaufst alles andere, du erachtest alles andere weniger als diese Vision, die du hast. Und diese Vision steht über allem. Diese Vision ist das Wichtigste, was du hast, und du hältst die fest und du lässt sie nicht mehr los. Donc, dès que tu as cette vision, tu vas t'accrocher sur cette vision. Tu vas tout laisser, tu vas tout vendre seulement pour avoir cette vision, pour continuer avec ça. Praise the Lord. Amen. You know, Jesus said, once you know where you are going, you also automatically know the road that will take you there. That's John 14. Let's go to John 14. Wir lesen Johannes 14. Praise the Lord. Amen. On va lire Jean 14. Amen. Amen. Once you know where you are going, you automatically know how to get there. John 14. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 4 to 11. Johannes 14, Vers 4 bis 11. Jean 14, 4 jusqu'à 11. Jesus, he was telling them where he was going. Amen. Jesus erzählt seinen Jüngern, wohin er geht. Et Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples où est-ce qu'il est en train de partir. That. He said, and whether I go, you know, and the way you know. Praise the Lord. Amen. That's one thing with God's children. We know where we are going and we know the way. Amen. Christ is all. Amen. And that's why it's so simple. Und Vers 4 trifft auch auf uns Kinder Gottes zu, dass wohin wir gehen, dass wir es wissen und dass wir auch den Weg kennen. Das ist Christus. Et Jésus, la parole de l'Éternel nous dit aussi que vous savez où je vais et vous savez le chemin. Donc ça signifie que si tu as une vision, que la vision c'est Jésus-Christ, tu sais que tu pars vers Jésus-Christ et tu sais que c'est lui le chemin. If you remember Matthew 11, where Jesus said, come unto me, all you that labor and are heavily laden, I will give you rest. Amen. You know, he said it. Because you might know where you are going, but how to get there will give you more problem than where you are going. Mm-hmm. Amen. But if he is the only, he is where you are going, and how to get there is he, you will have rest. Mm-hmm. Erinnert euch in Matthäus 11, dass Jesus gesagt hat, dass kommt alle her zu mir, die ihr mühselig beladen seid. Und er hat gesagt, dass sie zu ihm herkommen sollen, weil auch er der Weg ist. Weil wenn du weißt, wohin du gehst, aber den Weg sozusagen nicht kennst, dann wird es schwierig für dich sein, weil du weißt nicht, welchen Weg du nehmen sollst. Aber wenn du weißt, dass Christus der Weg ist und Christus auch das Ziel ist, dann wird alles einfach für dich sein, weil du weißt, dass alles Christus ist. Donc ça signifie que si tu sais que l'Éternel est ton chemin et qu'il est aussi ton but en fait, si tu sais que c'est l'Éternel Jésus-Christ qui est ton but, tu sais aussi le chemin et ça va t'aider vraiment à être concentré dans ce droit chemin. Mais si tu ne le sais pas, tu n'as pas le Christ comme ton but, là tu auras même de problèmes à avoir à faire des choix dans tes décisions. Praise the Lord. Alleluia. It's like having a key. You know, having a key is here. And how to open it is how to use it on the door to open. How to know how to open it is here. Everything is here. That's why his kingdom is so simple. Und es ist auch gleichzusetzen mit einem Schlüssel. Du kannst diesen Schlüssel haben, aber weißt nicht, wie du diesen Schlüssel verwendest. Aber wenn er der Schlüssel ist, und er dir auch zeigt, wie du den Schlüssel benutzen kannst, dann wird alles vereinfacht, weil er alles ist. C'est comme une clé. Quand tu as une clé, tu sais c'est pour quelle porte et tu sais comment l'utiliser. Et c'est comme ça aussi avec Jésus-Christ. Quand tu l'as, tu sais que le but, c'est lui la porte et tu sais aussi comment utiliser, quel chemin prendre pour entrer dans ce but-là. C'est lui notre clé en fait. Amen. Look at what Jesus said in verse 4. And whither I go, you know, and the way you know. If you know where you are going, you automatically know the way. Because I am everything. Jesus sagt, wenn du weißt, wohin du gehst, dann weißt du auch, dann kennst du auch den Weg, weil ich beides bin. Ich bin da, wo du hingehst, ich bin das Ziel und ich bin der Weg. Jesus Christ dit que si tu connais le chemin, si tu connais ton but, tu connais aussi le chemin. C'est ce qu'il dit ici. Et moi, je suis le but et c'est sur ce point-là, je suis aussi le chemin. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. You know, this will take stress away from you. Amen. It will help you to rest. Don't depend on him. Und das wird, he is everything. Und das wird dir auch viele Lasten von dir wegnehmen, weil er sozusagen alles ist und dass du dich einfach von ihm abhängig machen kannst und dich nicht mehr sorgen musst wegen irgendwas. Et si tu comprends ce verset, ça va te déstresser en fait, parce que là tu vas comprendre que c'est lui qui est ta paix, c'est lui qui va te donner ton calme. Du kannst in ihm ruhen. Et tu vas te reposer en lui. Praise the Lord. Hallelujah. Then Thomas, verse 5, said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. Amen. No man cometh unto the Father but by me. I am everything. Amen. I am everything in my kingdom. Amen. There's no other way. There's no, yeah, I'm just everything. You can see. The Lord is so light. In Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er sagt also damit gleichzeitig, ich bin alles. Und das wird dich so freisetzen von irgendwelchen Gedanken, weil du bist so frei davon, die Tatsache zu wissen, dass Christus einfach alles ist, ist so eine Erleichterung für dich. Parce que normalement, tu peux te dire que je connais le but, mais je ne sais pas comment faire pour arriver là-bas. Je ne connais pas le chemin. Mais Jésus-Christ dit ici à verset 5, je suis le chemin, la vie, la vérité et la vie. Et avec ça, si tu es conscient de ce qu'il a dit ici, si tu médites sur cette parole, tu vas te sentir souple. Tu vas avoir une souplicité parce que tu te dis, mais c'est lui, il est tout. Il est tout pour toi, en fait. Il est ton but, il est ton chemin, il est ton mari, il est ta vie, il est tout. La solution à tous tes problèmes, en fait. Praise the Lord. Alleluia. We will stop there because of time. Amen. Amen. It also means if you know what to do, you will automatically know what you should do. Und es bedeutet auch gleichzeitig, dass wenn du weißt, was zu tun ist, dann, wenn du weißt, was du tun sollst, dann weißt du auch, was zu tun ist. Ja. Nochmal, sag's nochmal. Das bedeutet, dass wenn du weißt, was zu tun ist, dann weißt du auch, was du tun sollst. Mhm. Ja. Donc, ça signifie que si tu sais qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu as à faire, tu sais aussi qu'est-ce que tu vas faire. Parce qu'il t'a déjà dit ce que tu dois faire. Alors, tu sais aussi qu'est-ce que tu dois faire. Amen. Tu vas faire. Praise the Lord. Amen. He said, delight yourself in me alone. Amen. And not in things. Amen. Amen. In 1 John 2, verse 15 to 17, he said, love not the world. Amen. And automatically, you will know who he said you are to love. In 1. Johannes 2 sagt das Wort, dass wir nicht die Welt lieben sollen. Und das heißt, dass du, wenn das Wort sagt, du sollst die Welt nicht lieben, dann weißt du automatisch auch gleichzeitig, wen du lieben sollst. Amen. Donc si la parole te dit que tu dois pas aimer le monde, alors tu sais automatiquement qu'est-ce que tu vas aimer, parce que c'est ou c'est le monde, que le diable, ou c'est le Christ, qui est la vie. If you know Christ, you will automatically know Satan. Because they are opposite. The opposite of good is bad. If somebody asks you, what is the opposite of good? You don't need to go to Google before you just give them birth. Amen. Once you know Christ, it's automatically you know Satan. Und sobald du Christus kennst, kennst du gleichzeitig auch den Satan, weil du kennst immer automatisch direkt die Gegenseite. Wenn du beispielsweise weißt, dass eine Sache gut ist, weißt du, dass das Gegenteil von gut böse ist. Dafür musst du nicht nochmal googeln oder irgendjemanden fragen, sondern du kennst direkt das Gegenteil. Dès que tu connais l'Éternel, tu connais aussi automatiquement le diable. Parce que les gens sont en train d'essayer de connaître le diable pour savoir ce qu'ils doivent faire. Non. Dès que tu connais l'Éternel, tu connais le diable. Parce que quand on va te demander qu'est-ce qui est le contraire du bien, tu vas dire que c'est le mal. Et c'est comme ça aussi. Dès que tu connais l'Éternel, tu vas connaître le diable. Parce qu'eux, ils sont toujours le contraire l'un de l'autre. Praise the Lord. Amen. Also, Luke 12, from 4 to 6. Verse 5 of Luke 12. If you know who to fear, you will automatically know who you are not to fear. Mm-hmm. Und in Lukas 12 sagt uns das Wort Gottes, wen wir fürchten sollen. Und wenn du weißt, wen du zu fürchten hast, wirst du gleichzeitig auch wissen, wen du nicht fürchten musst. Das heißt, du kennst immer die Gegenseite von der Sache. La Bible nous dit aussi à qui craindre. Donc ça signifie que si tu sais qui tu dois craindre, que tu vas craindre, tu sais aussi qui c'est que la personne que tu vas pas craindre. Amen. Parce que l'Éternel, c'est toujours, il est toujours le contraire, oui, du diable. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. If you fear God through Christ, the Holy Spirit will help you to know those who you are not to fear. Wenn du die Gottesfurcht hast durch Christus, dann wird dir der Heilige Geist auch zeigen, wen du nicht fürchten musst. Si tu as craint Dieu à travers le Saint à travers le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va aussi t'aider à ou bien te montrer qui tu ne dois pas craindre. Amen. Amen. If you know verse 5, you will automatically know verse 4. Look at it. Look 12. Wir lesen Lukas 12 Vers 5. Luc 12 verset 5. He said, "For I will forewarn you whom you shall fear." Fear him, which after he had killed, have power to cast into hell. Yea, I say unto you, fear him. That's verse 5. Mm-hmm. If you know here, you automatically, look at verse 4. And I say unto you, my friend, be not afraid of them that kill the body. Mm-hmm. And after that, have no more than that. They can do. Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. In Vers 5 lesen wir, wen wir fürchten sollen. Und in Vers 4 zeigt uns, wen wir nicht zu fürchten brauchen. Verset 5 nous dit nous fait voir à qui on doit craindre. Et verset 4 nous fait voir qui ne pas craindre. Amen. Please let Christ be your vision. Amen. Lass zu, dass Christus deine Vision ist. Permet à Jésus-Christ à être ta vision. Because vision defines your what to do in life. Denn deine Vision beeinflusst das, was du im Leben tust. Parce que ta vision est en train de définir ce que toi tu vas faire dans ta vie. Because vision gives you your address. Denn deine Vision sagt dir, was du zu adressieren hast. Parce que ta vision te donne ton adresse en fait. It gives you your name. Ah, deine Vision gibt dir deinen Namen und gibt dir eine Adresse. Et ta vision te donne aussi ton nom. Amen. It gives you your permanent address. Deine vision. Because you know that it is there. It's your permanent address. Deine Vision gibt dir sozusagen deine permanente Adresse, weil that's not that one. Just him. Weil du weißt, dass diese Vision dein Ziel ist und dass es dein permanenter Aufenthalt ist. Et donc ta vision te donne aussi ton adresse permanente parce que il sait où est-ce que tu es, où tu veux partir. They know you by Christ's name. Und sie kennen dich nach dem Namen von Christus. La vision te connaît à travers le nom du Christ. They know his name, which is your name. Und sie kennen den Namen von Christus, welcher auch dein Name ist. Il connaît aussi le nom du Christ parce que oui. Amen. The Bible said that our address is faith. We live by faith. Und die Bibel sagt, dass unsere Adresse Der Glaube ist, weil wir durch Glauben leben. La Bible nous dit que notre adresse c'est la foi parce qu'on vit à travers la foi. They know your address. Sie kennen deine Adresse. Ils connaissent ton adresse. They know it's Christ Jesus. Und sie wissen, dass es Christus Jesus ist für dich. Ils savent que il s'agit que de Jésus-Christ pour toi. Praise the Lord. Hallelujah. They know it's all about Christ Jesus. Sie wissen, dass es dir nur um Christus Jesus geht. Ils savent que pour toi il s'agit que de Jésus-Christ. Your vision also shows you your destination. Und deine Vision zeigt dir auch dein Ziel. Et ta vision te fait voir aussi ton but. And that is where we get this word destiny from. Destiny. Und daher bekommen wir Destination, destiny. Und von dem englischen Wort destiny leitet sich auch das Wort Schicksal ab. Et c'est pour cela qu'on a aussi la voix, on a aussi le mot la destinée. Amen. If our vision is Christ, it means Christ is our destiny. Und wenn unsere Vision Christus ist, bedeutet es, dass Christus unser Schicksal ist. Si notre vision est Jésus-Christ, ça signifie aussi que notre destinée est aussi Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Amen. C'est besser. Let Christ be your destiny. Bestimmung, ja. Lass zu, dass Christus deine Bestimmung ist. Ja. Et permet l'éternel d'être ta destinée. Amen. Your destiny is either Christ or Satan. Deine Bestimmung ist entweder Christus oder der Teufel. Parce que ta destinée, c'est ou c'est Jésus-Christ, non? Ou c'est Jésus-Christ ou le diable, c'est la détermination. Destiny dictates your decision. Und deine Bestimmung beeinflusst auch deine Entscheidungen. Et ta destinée est en train aussi d'influencer tes décisions. If Christ is your destiny, life becomes simple. Wenn Christus deine Bestimmung ist, dann wird das Leben einfach. Parce que si c'est Jésus-Christ qui est ta destinée, la vie va devenir encore plus facile. Amen. Remember the narrow gate. Erinnert euch an den schmalen Weg. Rappelle-toi du chemin étroit. And the single eye. Und your eye is single. Und das Auge, das in eine Richtung fokussiert ist. Et de l'œil qui est vraiment qui est concentré vers Jésus-Christ. Amen. If someone offers you something and it does not collaborate, it does not fit with your vision, it is easy to say no. Wenn jemand dir beispielsweise ein Angebot macht und dieses Angebot nicht übereinstimmt mit deiner Vision, dann wird es einfach für dich sein, dieses Angebot abzulehnen. Si quelqu'un te donne te fait un offre et cette offre là n'est pas compatible avec ta destinée qui est Jésus-Christ, là ça sera facile de dire non. Amen. But if Christ is not your vision, it means you are out of vision. It is tough to say no. It complicates your life. Wenn Christus aber nicht deine Vision ist, dann wird es schwierig sein, dieses Angebot abzulehnen. Mais si Jésus-Christ n'est pas ta vision, là sera très difficile pour toi à refuser les offres que tu vas avoir qui n'est pas de Jésus-Christ. Praise the Lord. Once it comes to the kingdom of heaven, we are not born to do everything. Wenn es um das Königreich Gottes geht, dann sind wir nicht dazu geboren, um alles zu tun, um alles zu erlangen, um alles zu schaffen. Et dès qu'il s'agit de Jésus-Christ, quand il s'agit du royaume des cieux, là tu n'es pas, c'est pas ton devoir à tout avoir, à tout recevoir. Amen. You are not born to do everything. This will help you. It will take the pressure of you. Du bist nicht dazu geboren worden, um alles zu schaffen, um alles zu tun. Und das allein sollte dir helfen, Lasten von dir wegzunehmen. Tu n'es pas né à avoir tout ou à faire tout dans ta vie. Et ce fait-là, si tu reconnais ça, tu fais confiance à l'Éternel que c'est lui qui est la personne qui fait, et c'est pas toi. Tu vas voir que tu n'auras plus les charges derrière toi. If you see Paul was so disciplined. Wenn wir uns Paulus anschauen, dann sehen wir, wie diszipliniert er war. dass er gesagt hat, dass eines will ich machen. Und diese eine Sache war, auf Christus zu schauen. Et si tu vois Paul, tu vas voir qu'il était si discipliné. C'est pour cela qu'il disait qu'il n'y a qu'une seule chose que moi je fais, c'est de regarder en devant moi et regarder vers Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we so much have this attitude that we have so much things to do in life. Und wir haben sehr oft diese Einstellung, dass wir so viel zu tun haben im Leben, dass wir so viele Dinge machen müssen und dass unser Leben so voll ist, unser Terminkalender so vollgepackt ist. Und das ist falsch. Quelquefois, on a cette attitude, on se dit qu'on doit faire beaucoup de choses, on a ceci à faire, ceci, et ça, c'est mauvais. You don't have, it is a lie, you don't have a lot to do in life. Amen. Even Paul said, he said, one thing I do. And that should be your one thing. It will help you to manage your time. If it is just that one thing. Und genau wie Paulus gesagt hat, eine Sache tue ich, genauso solltest du auch nur diese eine Sache tun. Und wenn du deinen Fokus auf Christus hast, dann wird dir diese eine Sache auch helfen, deine Zeit richtig einzuteilen und deine Zeit richtig zu managen. Denn du hast nicht zu viel zu tun. Das ist eine Lüge. Tout comme Paul dit qu'il y a qu'une chose que je dois faire, c'est comme ça aussi que toi aussi tu dois voir, tu dois considérer. Tu ne dois pas te considérer comme si je dois faire ceci, je dois faire cela. Tu dois seulement faire une chose et de voir Jésus-Christ. I'm done. Praise the Lord. Yeah. Oh, Wednesday we continue because I'm forget.